cette retraite. Si c'est pour ma garçon, ce n'est pas tous les jours la fête. Que tout ceci, je le fais à tout vite. Il va dire je t'attends que je passe mouler. Non, moi, il arrive même plus à contrôler. C'est la merde dans toutes les prisons. Demande-moi à ton, ils s'en vont. Ils ont bien l'intention sur ce porteau d'attention. Le peine a failli nous griller tous, nous envoyer sur les chaises électriques. On va nous foutre en plein. C'est ce que je n'arrive pas à cerner. Chacun se comprend dans son sens. Pour tous ceux qui me prennent la tête, Luther King était militant, ne faisait pas la fête.